La pluie a déjà fait son travail. Espérons que ça va aller. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 4. Marco surayake yaine. Marco sura yake ya ine verset 35 mustari ya makumi tatu na tano. Ce même jour, ile siku moya moya, sur le soir, mangaribi, Jésus leur dit, Yesu akabambia, passons sur l'autre bord, twende ile ngambo ya mtoni. Après avoir renvoyé la foule, kisha ye kurudisha kundi, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Wakampeleka muchombo mule alipatikana. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Kulikuwa tena na chombo ingine pamoja naye. Il se leva un grand tourbillon. Kukalamuka mpepo mkubwa. Et le flot se jetait dans la barque. Na mawimbi ya maji ilitupa mubarekebu. Au point qu'elle se remplissait déjà. Mukimo akusema merekebu ilianza kuyala maji. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Alakini Yesu alilala mule chini pa coussin. Ils le réveillèrent. Bakamulamusha. Et lui dit. Na kumwambia. Maître. Bwana. Ne t'inquiète-tu pas de ce que nous périssons? Oui, à Ushituke, vile tunanza kufa. S'étant réveillé, kishere kunamuka, il menaça le vent et dit à la mer, akafoke ampepo na kuambia, bahari, silence, nikale kimia, tais-toi, ika kimia. Et le vent cessa, nampepo ikatulia, et il y eut un grand calme. Ukakwa salama mwa mkubwa. Puis il leur dit, nakisha akabambia, pourquoi avez-vous si peur? Juanini mulishikia boka. Comment n'avez-vous point de foi? Juanini amukwe na imani. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakashikwa na boka mkubwa. Et ils se dirent les uns aux autres. Wakambiana bamoja kwa wengine. Quel est donc celui-ci? Uyu ni mutu gani? À qui obéissent même le vent et la mer. Ule mpepo na bahari iko na muti. Nitaomba. Je veux prier. Bwana mfalme na mwokozi Yesu Kristo. Seigneur roi et sauveur Jésus Christ. Asante. Merci. Kwa wakati tena mzuri umetupatia siku ya leo. Pour le bon moment que tu nous as accordé aujourd'hui. Arichunga dada, arichunga ndugu ni wewe. Celui qui a gardé mon frère et ma soeur, c'est toi. Si hapa tunakuja kumbele yako Seigneur. Nous voici venir encore devant de toi Seigneur. Nje yako hakuna Mungu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Mwenyewe milele na milele mpaka wewe Yesu Kristo. L'éternel c'est toi Jésus Christ. Wakati wote batoto ya bantu banakalaka na kusanyika mjina lako. Chaque fois que les hommes se réunissent en ton nom. Na wakati wona tumaka neno lako. Et chaque fois que tu envoies ta parole. Ailuriake bila matokeo. Ça ne peut jamais rentrer sans ses effets. Tu assistes mushuku ya leo. Assiste-nous au jour d'aujourd'hui. Na wale weko nasikiliza. Uyo tutimizia ile neno. Venez accomplir cette parole pour nous. Mungu na Bwana Yesu Kristo. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amina. Ça va pour permettre à tout le monde de bien suivre. Nous allons chanter un cantique. En attendant que la pluie s'abaisse. Mukuchunga vula ipate katika. Tutabeba collection yetu. Nous allons prendre notre collection de cantiques. Que l'Esprit tombe de Jésus. Je ne sais pas si là au fond, on entend. Levez les mains si vous me suivez là au fond. Marc chapitre 4, tu le soma. Marc chapitre 4 que nous venons de lire. C'est là que nous allons tirer notre sujet. Je parle tout à chugua shina yetu ya maubiri. Dans le dernier verset. Mima misari ya kumwisho. Le dernier verset dit ceci. Misari ya mwisho kunasema hivi. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Bakashikwa na boka mkubwa. Et ils se dirent les uns aux autres. Bakambiana bamoja kwa bengine. Quel est donc celui-ci? Huyu mutu basi ni nani? À qui obéissent même le vent ule, et la mer. Ule na mpepo na bahari iko na muti. Et notre sujet pour la semaine. Na shina yetu ya mahubiri mu ijuma mzima. S'intitule Inaitwa, quel est donc celui-ci? Huyu basi ni mutu gani? Nous saluons en même temps nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Tunasalimia pia banduku na badada banatufuata mjia mtandao. Je vais avant toute chose introduire avec une citation de frère Branham. Mbele ya yote minapenda kusoma msemo ya nduku Branham. Tiré de la prédication intitulée Il est tunabeba mu mahubiri yake. Que pensez-vous de Christ? Il est inaitwa. Munawaza nini kuhusu Kristo? C'est une prédication qui a été prêchée le 3 mars 1957. Ni mahubiri walihubiri le 3 mars 1957. 57. 57. Le 3 mars 1957. Le 3 mars 1957. Il dit ceci vers le milieu de la citation 9. Katikati ya nukta ya kenda anasema hivi. Suivez très bien. Munifate mzuri. Ce court passage des écritures de ce soir. Andiko ya mangaribi ya leo. Akaka njiko kaloko ya akaka kipanda njiko secours passage de l'écriture mule tunatosha shina yetu ya mahubiri. Now nous avons tiré notre thème secours passage des écritures de ce soir andiko kidoko ya magharibi ya leo amenera les gens à se décider itasukuma bantu bapate kuchugua mipango. Il continue, il dit anaendelea na kusema hivi. Votre décision sur la question que pose cette écriture. Mipango yako yulu ya ile ulizo hii andiko inauliza. Quelle est la question que l'écriture pose aujourd'hui ce soir? Ni ulizo kani ile andiko inauliza hii magharibi. Quel est donc celui-ci? Huyu basi ni mtu gani? À qui obéissent même le vent et la mer. Ule na mpepo na bahari iko na muti. Ainsi, votre décision sur la question que pose cette écriture, mpango yako yulu ya ulizo ile hii andiko inauliza, scellera votre destinée éternelle. Jo itaonesha mwisho yako utaipitishia wapi ya milele. Cela peut représenter la guérison de votre corps ce soir. Inawezi kuonesha utunzo ya mili yako magharibi ya leo. Ce que vous pensez de cette question peut déterminer si vous allez sortir de ce soir de ce fauteuil roulant. Joe itaonesha kama magharibi ya leo utatoka mwikichi ya watu asipe kutembea. Cela peut représenter la différence entre la mort et la vie pour beaucoup parmi vous. Ile njo italete achanisho katikati ya kufa na buzima kwa watu mingi leo. Citation 10. Nukta yake ya kumi. Il dit ceci. Anasema hivi. Eh bien, Muzuri, peu importe combien je peux m'efforcer d'insister là-dessus. Aizuru marangapi minaweka mukazo pa ile mambo. On attend là. Peut-être on reprend demain. Basseur kule kumukongo kama mushikie ifo kufanya signe. Le sœur là au fond, si vous n'entendez pas, il faut faire les signes. Basseur aubiri bibumbashi eko na ubiri juu mwe mupate kushikia. Il ne prêche pas au mur, mais il prêche pour que vous puissiez entendre. Kama mushikie mnaweka kilole yule, le pasteur comprend que amushikie. Et si vous n'entendez pas, il faut lever vos mains afin que le pasteur puisse le savoir. Ça, on peut aller? Ça va. Mousouri. Le Saint-Esprit, par notre frère Branham, disait ceci. Rome takatifu kupiti anduku etu Branham arkwana sema hivi. Dans la prédication, que pensez-vous de Christ? Mumaubiri munawaza nini kuhusu Christo? Prédication apportée le 3 mars 1957. Le 3 mars 1957. Dans la citation 9. Nukta yake ya tisa. Il dit ceci. Anasema hivi. Ce court passage des Écritures de ce soir. I andiko mufupi ya maandiko ya magharibi ya leo. Amenera les gens à se décider. Ita sukuma bantu bapate kuchugua mipango. Quel est le court passage qui va t'amener ma soeur et mon frère à te décider? Ni andiko kani mufupi ile takusukuma nduku na dada uchukue mipango. La réponse à la question du verset 41. Nijibu kuulizo ya mustari ya makumi ine na moja. Quel est celui-ci? Uyu mutu ni mutu gani? A qui obéissent même le vent et la mer. Ule na mpepo na bahari biku na muti. Si chaque frère, kama kila nduku, chaque sœur, na kila dada, sincèrement dans ton cœur, katika uwaki wa moyo wako, tu arrives à répondre correctement à cette question, unafika mkujibia mzuri kui ulizo, cela va changer ta conduite, ile itabadirisha namna yako ya kujongoza, cela va changer ta façon de voir les choses, itabadirisha namna yako ya kuona vitu. Toi qui te dis sœur en Christ ou frère en Christ. Wewe ule unajiita nduku katika Kristo wala dada katika Kristo. Cela doit t'amener à prendre une décision. Inapashi kusukume uchugue mipango. C'est ce qu'il conseille ici. Jo ile kuna shauria hapa. Et il dit, na anasema, et votre décision sur la question que pose cette écriture, mipango yako yulu ya ulizo ile iandikwe na uliza, va sceller votre destinée éternelle. Jo itaonesha kule utapitia milele yako. Cela peut représenter la guérison de votre corps ce soir. Inawezi kuonesha utunzo ya mwili yako magharibi ya leo. Ce que vous pensez de cette question, ile uko na wazia kuhusu hii ulizo, peut déterminer si vous allez sortir ce soir. Il parle d'un frère qui était dans une fauteuil, dans une chaise roulante. Ah, itaonesha kama utatoka mangaribi ya leo mui kiti ya bakuti kutembea. Maintenant, pour nous présentement. Sasa kwetu sisi benye kuwa hapa. Ce que vous pensez. Ile ukuna wanza. Ce que vous donnez comme réponse. Ile ukuna leta sa wajibu. À la question de savoir. Ile ulizo ya kujua. Quel est donc celui-ci. Uyu ni mutu gani. A qui obéisse le vent et la mer. Ule mpepo na bahari iku na muti. Peut déterminer. Jo itaonesha. Si vous allez sortir ce soir. Kama utatoka mangaribi ya leo. De la condition dans laquelle vous êtes ma soeur ou mon frère. Mwile ali mule uko wendu kuna dada. Amen. Amen. Cela peut représenter la différence entre la mort et la vie pour beaucoup parmi nous. Itale ta achanisho katikati ya lufu na bushima kuba mingi magharibi ya leo. Citation 10. Nukta yake ya 10. Eh bien, mzuri. Peu importe combien je peux me forcer d'insister là-dessus. Aizuru mara ngapi nawezi kujikaza niweke mkazo pa hii mambo. Cela ne produira toujours pas d'effet si vous ne le recevez pas. Aita leta matokeo kama uipokeye. Et que vous ne l'acceptez pas de vous-même. Na kama uitikie we mwenyewe. Pas pour appliquer cela à une organisation. Aina jua kuileta sema hii mambo iko yule ya makundi ya watu. À maman ou à papa, mais cela doit être appliqué à votre propre cas personnel. Ce que sont vos pensées au sujet de Christ, ce que vous pensez qu'il est. Amen. Amina. En très peu de mots, c'est ceci. Mumisemo tu mufupi ni kusema hivi. La réponse à la question. Jibu kui ulizo. Qui est donc celui-ci? Uyu ni mtu gani? Pour toi et pour moi. Wako wewe na kwangu mie. Cette réponse, tu ne vas pas l'appliquer sur quelqu'un d'autre. Ile jibu hautaiweka yule ya mtu mwingine hapana. Tu dois te l'appliquer toi-même. Unapashi kuirijibia yowe mwenyewe. Cela doit avoir un effet sur toi-même. Inapashi kuwa na matokeo yulu yako wewe moyo. Nous pouvons tout dire. Tunawezi kusema biote. Beaucoup de prédicateurs peuvent changer de prédication. Baubiri ba mingi wanawezi kubadilisha mahubiri yabo. Cela n'aura pas d'effet tant que vous-même vous ne vous élevez pas à la hauteur de donner une réponse selon Dieu à cette question. Wakati leo mwenyewe hauna mkimo ya kuleta jibu kufuatana na Mungu kwa hii ulizo. Amen. Amina. Je pour illustrer ça, njoo kuleta mfano. Je vous donne un petit exemple. Tami pacha mfano juu mpate kuelewa. Regardez généralement dans le monde. Nazamaini kwa kawaida mudunia humo. Tu peux rencontrer une grande autorité à pied. Unaweza kukutanishana na mwenye mamlaka mkubwa eko natembea lwa mikunu. Un procureur. Anaweza kuwa procureur. Un colonel. Anaweza kuwa colonel. Un athée. Voilà, administrateur. Peut-être en train de passer à pied. Sazingine eko natembea lwa mikunu. Et toi tu passes en moto. Wewe unapita na moto pikipiki. Soit tu es en train de déverser de l'eau sur le trottoir. Wala kuna mwanga mai mubalabala. Et comme par accident, kwa ghafla, kwa bila kutaka, unamumwanja mai. Tu lui verses de l'eau sans le vouloir. Pendant qu'il cherche à t'interpeller de ton geste là, wakati ile anatafuta kukuuliza juu ya bila unafanya, unamwonesha saa unitoke kule. Tu lui dis allez va-t'en. Pendant que toi tu réponds comme ça, wakati ile unajibu hivi na kibengo, quelqu'un d'autre surgit. Mtu mwingine na anatokelea pale. Asa unamfamia huyu unajibu. Connaissais-tu cet homme que tu insultes? Atenifani. Qu'est-ce qui me fera celui-là? Si ni muntu sabantu boy. Mais c'est une personne comme toute autre personne. Yego na maungu akiuma. Eh, a-t-il un corps de fer? Toutes les réponses que tu donnes là. Majibu yote ile kunaleta ne sont pas adaptés à la question posée. Ayambatane na ile ulizo banakuuliza. Est-ce que connais-tu l'homme à qui tu as versé l'eau? Eti unamuyua huyu muntu ule unamumwangia mai? Il suffit que tu te tranquillises un peu. Il n'a pas utilisé un écoute kidogo. On te dit, c'est lui le procureur du parquet de Mukambo. Je m'ouvre moi mzi wa parquet ya Mukambo. Utashutuka. Tu seras surpris. Utakongo usema ukalombe buluma. Tu feras un effort pour aller lui demander pardon. Donc, connaître ce que est Christ. Manake kuyua kile kiko Kristo. Peut changer ton comportement. Itabadilisha namna yako ya kujiongoza. Peut changer tes attitudes. Itabadilisha matabia yako. Nous sommes dans des assemblées aujourd'hui. Tuko mu makanisa leo. Rempli de membres. Na yaja ba memba mingi. En vérité, beaucoup ne connaissent pas qui est Jésus. Katika ukweli watu mingi hawayamuyo Yesu ni nani. Qui est Christ dont la Bible parle? Huyu Kristo mwenyewe Biblia nataya ni nani? Vous trouvez toute la légèreté que nous avons dans nos assemblées. Joko mana utaona bantu banabeba bitu kunchongo ya milole. C'est pourquoi vous trouvez toute la négligence qui y a parmi. Joko mana utaona makusula bintu mingi ile napatikana katika. C'est dû à quoi? Beaucoup ne connaissent pas véritablement Christ. Ils savent réciter les paroles des prédicateurs. Jéhovah de l'Ancien Testament. Jésus-Christ. Là, vous ne faites qu'une répétition. Mais la chose n'est pas une révélation pour toi. Quiconque connaît l'autorité qui passait sur le trottoir, même à pied, tout ce respect là pourquoi? Tu connais à qui tu as affaire. Je vais très loin. Souvent, il m'arrive d'être avec Mutombo, notre frère. Vous passez quelque part. Même à pied. Vous voyez qu'on les salue avec toute révérence. Je lui ai jamais dit ça. Moi, généralement, je sais pourquoi on fait ça. Les gens Bantu ne regardent pas la taille de Mutombo. Mais ils savent ce qu'il est. Alakini wanajua kile yeko. Que ce soit des hommes ou des femmes. Ils savent. Ils savent que cet homme ici m'a déjà rendu service. Même s'il arrivait, quelque part la nuit, quelqu'un le confond avec quelqu'un, un bandit. On porte la main sur lui. Et que tout patient qu'il a déjà eu arrive sur les lieux. Et qu'il le reconnaît. Interviendra énergiquement. Il dit non. C'est un voleur qu'on vient d'attraper. Pourquoi? Effectivement, tu le connais. Quand on te posera, qui est donc celui-ci? Tu diras, je le connais, c'est mon médecin. J'avais fait très longtemps à l'hôpital. Mais c'est par lui que je suis ce que je suis. Amen. C'est très simple. Hein? Ah. Maintenant, sans que je n'aille très loin. Bel ami kwenda mbali. Chacun de nous intérieurement comprendra que j'ai fait des choses que je suis en train de faire ici. Je parle tel que je parle ici. J'agis tel que j'agis. C'est la preuve que je ne connais pas cet homme-là. À qui obéissent l'eau et le vent. C'est la preuve que tu ne le connais pas. Si tu le connaissais très bien, celui à qui obéissent le vent et ton comportement, frère, changera. Ta manière de parler changera. Ta façon de venir à l'église, ta façon de te comporter vis-à-vis des sœurs et des frères changera. Nous sommes ce que nous sommes. C'est parce que beaucoup ne le connaissent pas selon qu'il peut se révéler à un homme. C'est ça la plus grande faiblesse. Écoutez comment frère Branham parle. Dans que pensez-vous de Christ. Mumaubiri munawaza ko nini kuhusu Kristo. Hii ni injili nayo. Ça c'est aussi un autre sermon. Il est tourisoma ni en 1957. Celui qu'on a lu là c'est de 1957. Mais il tunataka soma ni en 53. Mais celui-ci qu'on veut lire, il est de 53. Le 13/12/1953. Le 13/12/1953. Citation Nuktayaki 22. Makumimbili nambili. Suivez attentivement. Musuive, mufate na utaratibu. Écoutez. Musikilize. La faiblesse de l'Église aujourd'hui. Buzaifu wakanisa leo. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'Église. Sababu inyewe ile atuone tena maendeleo mukanisa. C'est la première chose à laquelle je pense. Ni kintu kya kwanza kinye mina wazia. C'est qu'il y a assez de ravissement de l'âme. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son créateur. Manake. Kuna kosewa kubebewa kwa nafsi juu kuingia mumbapatano na muumbaji wako. Tajiri. Manaki? Bantu ba mingi abaya bebewa kwa kubebewa mukiro. Beaucoup de gens ne sont pas arrivés à être ravis en esprit. Juba fike mukupatana na muumbaji. Pour qu'ils arrivent à être en contact avec le créateur. Beaucoup de gens abaya bumbanaka na Yesu Kristo wa mu Biblia. Ils ne se sont pas encore rencontrés avec le Jésus-Christ de la Bible. Vous allez dire, mes frères, et tous ces gens qu'on baptise. Frère Branham continue. Frère Blaise, où on a choqué. Il dit, c'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme pour amener la personne à entrer en contact avec son créateur. Même quand les gens prient, ils sont superficiels. Les gens ne sont jamais entrés en prière au point où ils sont transportés pour aller en contact avec Jésus. Dieu a kupatana na Yesu Christo. Les gens, leurs prières, maombi yabo, sont des prières catholiques. Ni maombi tusa ya kikatholique. Vous allez voir quelqu'un qui prie. D'abord il se prépare, il arrange ses habits, sa ceinture. Il y en a même qui s'arrange sur la figure. Est-ce que celui-là est vraiment ravi en esprit? Non. Il est encore charnel. Il est encore charnel. Vous allez voir quelqu'un qui prie. Des fois, il ouvre un peu un œil. Il n'est pas encore entré en contact avec son créateur. Et c'est ça, beaucoup de nos membres aujourd'hui. Mais malheureusement, on les a déjà baptisés. Ils sont déjà baptisés. Il continue. Anaendelea. Et l'autre chose, c'est que la personne qui trouve en fait Dieu ne réalise pas qui Dieu est. Après l'avoir trouvé. Si seulement vous réalisiez que vous êtes assis maintenant même avec Christ Jésus. Condition va changer. Ta condition va changer. Même quand les gens voyez-vous sont seuls dans leur maison. Ou dans sa douche, dans sa chambre, à la cuisine. Les gens croient que Dieu est absent. C'est pourquoi même dans leur cœur, ils sont emballés dans des pensées, des préjugés. Pourquoi? Il croit que Dieu n'est pas là. Anawazia sema pale ko pale. Mungu anapo. Dieu n'est pas là. Mungu anapo. Même quand vous voyez tous ces jeunes gens, ata wakati mtiona babi yana bote. Allez faire ce qu'ils font là. Beko nafanyi bibi yote bile beko nafanya. Et après cela, na kisha bile, ils reviennent. Banarudia tena. Ils sont... Ils tiennent nos caméras. Banabeba tena ma caméra yetu. Ils interprètent les sous. Ils font la chorale. Ils se font passer pour des saints. Banaonekana sani watakatifu. Ils n'ont jamais réalisé qui est Dieu véritablement. Abaya tambuaka kweli kweli Mungu yule ndani. Ce n'est pas différent des enfants de l'Ecodie. Abiachane na watoto wa masomo wa Muyenga. Regardez nos enfants dans nos maisons. Tazameni watoto wetu munyumba. Anakulanda leo. Itema aujourd'hui. Tu les frappes. Pardon, je ne ferai plus. Nyurumie shita landa katena. Kesho analanda. Le lendemain il va encore mentir. Il ne comprend rien. Welewe kitu. Mais il n'en est pas ainsi. Il ne doit pas être ainsi avec nous. Aipashi bikuwe vile pamoja na sisi. Unakotola leo. Tu branches aujourd'hui. Unafanya busharati. Tu commets adultère. Unalomba bulumu. Tu demandes pardon. Kesho tena unabu. Le lendemain après encore. Après masiku unaanguka. Après une année tu retombes encore. Et c'est la preuve absolument. Il y a qui prouve que il a été baptisé. Aribatisé. Elle a été baptisée. Mwanamke wala mwanaume. Mais elle ne connaît pas Dieu véritablement. Asiyajua mzuri mzuri Mungu ni nani. Et c'est ça la maladie. Na njo magonjwa ni ile. C'est ça la maladie. Njo yenye malari. Si chacun tel que nous sommes ici. Kama kila mmoja pake vitu hivi. Kama kila ndugu. Si chaque soeur. Kama kila dada. Même dans sa prière, nous sommes intimité avec Dieu. Vous pouvez être en mesure de prier et entrer en contact avec Dieu. Nous y sortirons pas comme nous étions entrés. Nos conditions changeront. Notre état changera. Notre nature changera. Amen. Amen. La Bible dit dans Romains 4. Biblia nasema Warumi sura ya 4. Abraham est notre père. Ah, Ibrahim ni baba yetu. Devant lequel Dieu en qui il a cru. Mbele yake Mungu wake ule aliamini. Quel Dieu? Mungu kani? Qui donne la vie au mort. Ule kunaleta bujima kubafu. Si c'est le Dieu là qui donne la vie au mort. Kama njo ule Mungu ule analeta bujima kubafu. Mais toi tu es venu comme un homme mort, une femme morte. Sasa wewe ulikaribia sa mwanaume mwanamke mwenye kufa. Tu entres dans sa présence. Unaingia muwepo wake. Il doit te communiquer sa vie. Anapashi kupatia bujima wake. Il doit te communiquer sa vie. Anapashi upatia buzima tu mwake. Entres en prière. Unaingia mu maombi. Comme étant un homme mort ou une femme morte. Rawa mutu mwenye kufa mwanamke wala mwanaume. Mais une fois entré en prière en profondeur. Kisha kuingia katika upana maombi. Tu entres dans sa présence. Unaingia mu wepo wake. Tu ressortiras. Utatoka mu. Un homme changé. Mwanaume mwenye badilika wala mwanamke mwenye badilika. Mais au lieu d'aller dans la présence de celui-là qui change les gens. Pale awe kuenda mu wepo wa ile mtu akona badilisha batu. Dans la présence de l'église. Jitu kuna jiona kwa mu wepo wa kanisa. Voilà pourquoi les choses boitent encore. Njoko mwana bitu abiendeke. Voilà la difficulté. Njo yenye magumu ni ile. Parce que comment voulez-vous, frère? Munapenda je banduku. Ça, même moi, je me posais cette question. Ata mimi mwenyewe nakuwa najiuliza hiyo ulizo. C'était le dimanche quand le pasteur après la Sainte Cène. Ilikuwa ni siku ya yenga kisha meza ya Bwana. Avec toute cette grande lumière qu'on a eu. Le nombre d'années que les gens ont fait. Et si il y a même des gens qui ont cru à 95. Il y a des gens, de par leurs parents, qui ont fait le codime dans nos tabernacles. Mais regarde toute l'ancienneté là. Si réellement, ces frères et ces sœurs là, avait été en contact avec Dieu. Le fruit qu'il manifeste aujourd'hui ne serait pas dans ce qu'ils sont. Je crois que chacun est témoin dans son cœur. Là où tu es là, il faut que tu t'arrêtes et que tu dises. C'est Jésus qui avait grondé l'eau et les vents. La tempête a obéi. Est-ce que c'est le même Jésus avec qui je me suis rencontré? Et que tu restes dans ce même état-là que tu es? On a une photocopie. Ah, tu es une photocopie. Une photocopie. Tu as la photocopie, tu n'as pas le vrai. Tu ne t'es pas rencontré avec le véritable Jésus. Que tu te rencontres avec ce Jésus de la Bible. Tu entres dans sa présence. Et puis tu y sors. Que tu ailles encore engrosser à la cité. Que tu reviennes. Venir tromper au service de Dieu. Non, tu ne t'es pas rencontré avec Dieu. Tu t'es rencontré avec une église. C'est pourquoi les choses ne marchent. Je commande à Bito à bien dès que. Pourquoi les choses? Je comprends la difficulté, c'est laquelle? Nous sommes dans un âge où les gens sont très téméraires. C'est pourquoi ils viennent même à la Sainte Seine. C'est l'âge de la témérité. C'est l'âge de l'orgueil. D'après 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 3 verset 1 et 2. C'est l'âge de la vantardise. Les gens seront fanfarons. Oui. Ils veulent faire voir qu'ils sont spirituels alors qu'ils ne le sont pas. Qu'ils ont Dieu alors qu'ils ne l'ont pas. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous, par la grâce de Dieu, si qu'on aime à Mungu, ne commettons pas cette erreur-là. La grâce est encore là. La grâce est encore là. Nema ingariki iko. La grâce est encore là. Nema ingariki. Si tu vois que c'est par témérité que tu fais ces choses-là, il n'est pas encore trop tard. Ah, oui, parce que Jésus continue à changer les gens jusqu'à ce soir. Qu'on endelea kubadilisha bantu kufika na lewe hii mangaribi. Amen. Amen. Ça va. Tunasimamia hapo. On va reprendre demain. Tutendelesha kesho. Que chacun me réfléchisse. Kila mmoja wetu apate kufikiri. Yesu, Jésus, anafokea mai na mpepo. Il a grondé la tempête au vent. Pepo na mai na ti. Les vents et la mer ont obéi. Mais ma mpepo mchafu. Mais les démons, ndani mwako wolo na mimi. Toi qui as cru, unakutana na Yesu. Tu te rencontres avec Jésus. Jésus a vu ses démons en toi. Jésus aussi a esquivé. Non, ce n'est pas possible. Si Christ ne se comporte pas ainsi, ce n'est pas comme ça. Tout à chemin. Nous allons nous lever. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix, le père de l'éternité, et le roi de beauté, le merveilleux en sa chair, par qui toute chose est faite, la plénitude divine, en Jésus incarné. Dans lui, tout Dieu tout simplement.